Le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté l'usine de l'eau minérale de Kangso en compagnie des cadres responsables du comité central du Parti du Travail de Corée, Ahn Jong-soo, Kim Yong-soo et Cho Yong-won. Après avoir écouté l'explication devant le panorama de l'usine et le schéma des processus de production de l'eau minérale, il a passé à la stèle à l'inspection des grands hommes Pektosan avant de faire le tour de la salle d'éducation des hauts faits révolutionnaires et de la salle d'historique. Le dirigeant suprême s'est rappelé que le président Kim Il-sung a choisi en personne l'emplacement de l'usine et a baptisé même la marque de son produit sous le nom de l'eau minérale de Kangso, et que le général Kim Jong-il a donné des instructions pour moderniser l'usine à l'époque de la marche dure et régler en personne tous les problèmes posés dans les travaux de réaménagement. Il a indiqué que l'usine est empreinte de leur grande affection pour la population. Il a ensuite fait le tour de la salle de commande intégrale de diverses équipes de travail de production, de l'exposition des produits, de la source d'eau minérale, de la salle de vulgarisation des technosciences et d'autres endroits pour se renseigner en détail de l'état de production et de gestion. Il a souligné que la normalisation de la production de l'usine au niveau élevé s'avère importante pour mettre en valeur la supériorité de notre régime socialiste qui affecte d'un bout à l'autre toutes les richesses de la société à l'amélioration du bien-être de la population. Il a insisté sur la grande importance de la mission et du rôle de l'usine de l'eau minérale de Kangso pour protéger et améliorer la santé des habitants avant d'avancer les tâches posées devant elle. Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est exprimé convaincu que les officiels et autres travailleurs de l'usine produiront en grande quantité de l'eau minérale célèbre pour son efficacité à la santé de l'homme, pour en approvisionner encore mieux les habitants, avant de se faire photographier en souvenir avec eux.